L'Office de Radiodiffusion Télévision Française présente, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Théâtre et Université, une émission d'Éléonore Kramer. Vous entendrez aujourd'hui, dans un découpage radiophonique, Don Juan ou le Festin de Pierre, comédie de Molière, jouée par les comédiens français dans la distribution suivante. Don Juan, Georges Descrières. Sganarelle, Jacques Charon. Elvire, femme de Don Juan, Ludmila Michael. Gusman, écuyer d'Elvire, Jean-Paul Zenacker, élève du conservatoire. Don Carlos, frère d'Elvire, Yvan Varco, élève du conservatoire. Don Louis, père de Don Juan, René Arieux. La statue du commandeur, Louis Aymont. Monsieur Dimanche, Michel Aumont. Un pauvre, Michel Bernardi. Mise en scène d'Antoine Bourseiller. La tribune libre de Théâtre et Université réunira autour de Philippe de Chartres, Georges Lherminier, inspecteur général des Arts et Lettres, Marcel Giraudet, Michel de Quiche, professeur de lettres supérieures au lycée Louis-le-Grand, et Roger Paul Droit, Philippe Nemo, ses élèves. Veuillez écouter tout d'abord un avant-propos de Marcel Giraudet. Lorsque l'on parle de Don Juan, il est bon de ne pas rester dans le vague. Et le personnage, créé par Molière en 1664, doit être isolé de toute une littérature, espagnole d'abord, romantique ensuite, qui a façonné au Don Juan un visage à la fois scandaleux et édifiant. Les Espagnols, avec Tirso de Molina, aiment les damnés par manque de confiance et les trompeurs repentis, figures étranges peuplant les actes de foi. Les romantiques, isolant dans les quêtes amoureuses notre héros, lui ont donné l'allure inquiète et désespérée à laquelle se plaisent encore tous les courriers du cœur. Molière a, lui, créé autre chose. Don Juan fait partie de la trilogie sociale des années 1662-1665. Comme dans Le Misanthrope et dans Tartuffe, Molière a mis dans Don Juan, sinon une expérience amère, du moins une vision acérée et acide des zones troubles de la pensée sociale de son temps. Dans Le Misanthrope et dans Tartuffe, le cadre reste bourgeois. Avec Don Juan, c'est une attitude de la noblesse et de la pensée aristocratique qu'il va dévoiler. Don Juan peut être clair, être net, être pur même. Il ne déroge pas et l'honneur est sauf jusqu'au cinquième acte. Et les obligations de la vie bourgeoise ne pèsent pas sur lui. Aussi sommes-nous très près de lui au XXe siècle. Nous ne sommes plus écrasés ni dans notre pensée, ni dans notre comportement, par les arbitraires de la politique absolue catholique du XVIIe siècle. Don Juan devient donc, uniquement à nos yeux, le témoin de l'intrépidité spirituelle et morale dans l'aventure humaine encombrée d'à peu près de fétichisme et de tabous hétéroclites. Peut-être bien que Don Juan se laisse tenter par la violence. Mais sa vivacité de langage et de gestes n'est qu'une manière de ruser avec un sang-froid imperturbable. L'amour qu'il a de soi-même lui fait perdre souvent l'idée du mal qu'il cause. Après tout, c'est lui, Don Juan sur la terre, qui paiera la rançon de ce bonheur douteux, mais qui, somme toute, n'est pas vain. Est-il athée ? Bien sûr, il refuse que le ciel ou Dieu l'importune en ce monde. Mais pour Molière, au moins, la pièce ne peut se concevoir sans le ciel, ses exigences et sa présence constante. Antoine Bourseiller, à la Comédie française, a magnifiquement compris l'actualité de ces thèmes. En dépouillant la mise en scène de tout l'appareil qu'il aurait replacé au XVIIe siècle, en l'ornant ensuite d'une splendide ordonnance baroque, décors de métal, tonnerres incessants, formes surprenantes que tout le monde n'a pas aimées. Mais ce nouveau Don Juan risque fort d'être celui de la jeune génération. Une ville étrange, aux murs rougeoyants comme l'enfer.

scélérat. C'est maintenant que je te connais tout entier. Et pour mon malheur, je te connais lorsqu'il n'en est plus temps. Et qu'une telle connaissance ne peut plus me servir qu'à me désespérer. Mais sache que ton crime ne demeurera pas impuni. Et que le même ciel dont tu te joues me sort à venger de la perfidie. Général, le ciel. Vraiment, oui, nous moquons bien de cela, nous autres. Madame. Il suffit. Je n'en vais pas jouir davantage. Et je m'accuse même d'en avoir trop entendu. C'est une lâcheté que de se faire expliquer trop sa honte. Et sur de tels sujets, un noble cœur au premier mot doit prendre son parti. N'attends pas que j'éclate ici en reproches et en injures. Non. Non, je n'ai point un courroux à exhaler en paroles vaines. Et toute sa chaleur se réserve pour sa vengeance. Je te le dis encore, le ciel te punira, perfide, de l'outrage que tu me fais. Et si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender, appréhende du moins la colère d'une femme offensée. Remords le pouvait prendre. Allons songer à l'exécution de notre entreprise amoureuse. Oh, quel abominable maître me vois-je obligé de servir. Voilà donc Don Juan sur mer à la recherche de la belle qu'il projette d'enlever à son jeune époux. Mais son équipée se termine de façon cocasse. Son bateau chavire et Sganarelle et lui mourraient noyés si un marin, Pierrot, ne venait à leur secours. Pour toute récompense, Don Juan séduit Charlotte, la fiancée de Pierrot, non sans dans le même temps promettre le mariage à Mathurine, l'amie de Charlotte. Mais voilà qu'on avertit Don Juan qu'une troupe d'hommes à cheval le recherche pour lui faire un mauvais parti. Don Juan et Sganarelle s'enfuient alors dans la forêt proche et pour mieux échapper à ceux qui les poursuivent, ils se déguisent. Don Juan en paysan et Sganarelle en médecin. Les voici tous deux au milieu d'une clairière. Don Juan est étendu sur un tronc d'arbre, Sganarelle est assis à ses côtés. Enfin, monsieur, avouez que j'ai eu raison et que nous voilà l'un et l'autre déguisés à merveille. Oh, votre premier dessin n'était pas du tout à propos. Et ceci nous cache bien mieux que tout ce que vous vouliez faire. Il est vrai que te voilà bien. Et je ne sais où tu as été détenu cet attirail ridicule. Oui, c'est l'habit d'un vieux médecin qui a été laissé en gage au lieu où je l'ai pris. Il m'en a coûté de l'argent pour l'avoir. Mais savez-vous, monsieur, que cet habit me met déjà en considération, que je suis salué des gens que je rencontre et que l'on me vient consulter ainsi qu'un habilote. Comment donc ? 5 ou 6 paysans et paysannes, en me voyant passer, me sont venus demander mon avis sur différentes maladies. Et tu leur as répondu que tu n'y entendais rien. Moi, au point du tout. J'ai voulu soutenir l'honneur de mon avis. J'ai raisonné sur le mal et leur ai fait des ordonnances à chacun. Et quel remède encore leur as-tu ordonné ? Oh, ma foi, monsieur, j'en ai pris par où j'en ai pu attraper. J'ai fait mes ordonnances à l'aventure. Et ce serait une chose plaisante si les malades guérissaient et qu'on m'en vint remercier. Et pourquoi non ? Par quelle raison n'aurais-tu pas les mêmes privilèges qu'ont tous les autres médecins ? Ils n'ont pas plus de part que toi aux guérisons des malades et tous leurs rares et pures grimaces.

Haussez le bras, levez les yeux au ciel, baissez la tête, remuez les pieds, allez à droite, à gauche, en avant, en arrière, tournez. Voilà ton raisonnement qui a le nez cassé. Ah, morbleu, je suis bien sot de m'amuser à raisonner avec vous. Croyez ce que vous voudrez. Il m'importe bien que vous soyez damné. Tout en raisonnant, je crois que nous nous sommes égarés. Appelle un peu l'homme que voilà là-bas pour lui demander le chemin. Oh là, oh l'homme! Oh mon grand-père! Oh l'ami! Un petit mot, s'il vous plaît. Enseignez-nous un peu le chemin qui mène à la ville. Vous n'avez qu'à suivre cette route, messieurs, et détourner à main droite quand vous serez au bout de la forêt. Mais je vous donne avis que vous devez vous tenir sur vos gardes, et que depuis quelques jours, il y a des voleurs ici autour. Je te suis bien obligé, mon ami, et te rends grâce de tout mon cœur. Si vous vouliez, monsieur, me secourir de quelques mots. Ah! Ton avis est intéressé à ce que je vois. Je suis un pauvre homme, monsieur, retiré tout seul dans ce bois depuis 10 ans. Et je ne manquerai pas de prier le ciel qu'il vous donne toutes sortes de biens. Mais prie-le qu'il te donne un habit, sans te mettre en peine des affaires des autres. Vous ne connaissez pas, monsieur bonhomme. Il ne croit qu'en 2 et 2 sont 4, et en 4 et 4 sont 8. Quelle est ton occupation parmi ces arbres? De prier le ciel tout le jour pour la prospérité des gens de bien qui me donnent quelque chose. Il ne se peut donc pas que tu ne sois bien à ton aise. Hélas, monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. Tu te moques? Un homme qui prie le ciel tout le jour ne peut pas manquer d'être bien dans ses affaires. Je vous assure, monsieur, que le plus souvent, je n'ai pas un morceau de pain à mettre sous les dents. Voilà qui est étrange. Et tu es bien mal reconnu de tes soins. Bien, je m'en vais te donner un louis d'or, tout à l'heure, pourvu que tu veuilles jurer. Oh, monsieur. Voudriez-vous que je commisse un tel péché? Tu n'as qu'à voir si tu veux gagner un louis d'or ou non. En voici un que je te donne si tu jures. Tiens, il faut jurer. Monsieur... À moins de cela, tu ne l'auras pas. Allez, va, va, jure un peu, il n'y a pas de mal. Eh bien, prends. Le voilà. Prends, te dis-je. Mais jure donc. Non, monsieur, j'aime mieux mourir de faim. Va. Va, je te le donne. Pour l'amour de l'humanité. Mais soudain, Don Juan aperçoit un gentilhomme aux prises avec 3 bandits. Il tire l'épée et se jette courageusement dans la bataille. Les deux gentilshommes mettent en fuite les bandits. Le jeune homme que Don Juan vient de sauver se présente. C'est Don Carlos, le frère d'Elvire. Survient alors Don Alonso, un autre frère d'Elvire. Il reconnaît Don Juan et veut le châtier. Don Carlos s'y oppose. Exige de son frère que, en reconnaissance de l'acte de courage de Don Juan, la vengeance soit remise à plus tard. Les deux gentilshommes prennent congé et Don Juan reste seul. Sganarelle a disparu. Sganarelle ! Sganarelle ! L'est-il ? Comment, coquin ? Tu fuis quand on m'attaque ? Pardonnez-moi, monsieur, je viens seulement d'ici près.

Je te veux bien faire toucher au doigt ta poltronnerie. Mais prends garde. Le seigneur commandeur voudrait-il venir souper avec moi ? Très bien, monsieur. Allons, sortons d'ici. Voilà de mes esprits forts qui ne veulent rien croire. La maison de Don Juan, une salle tapissée de cuivre rouge et or, où la table est servie. Tout autour de la pièce, prêts à accompagner de leur rire les mots du maître, des valets d'épée à la mine inquiétante portent des flambeaux. Quoi qu'il en soit, laissons ça. C'est une bagatelle. Et nous pouvons avoir été trompés par un faux jour ou surpris de quelque vapeur qui nous ait troublé la vue. Et monsieur, ne cherchez point à démentir ce que nous avons vu des yeux que voilà. Il n'y a rien de plus véritable que ce signe de tête. Et je ne doute point que le ciel, scandalisé de votre vie, n'ait produit ce miracle pour vous convaincre et pour vous retirer... Écoute, si tu m'importunes davantage de tes saintes moralités, si tu me dis encore un seul mot là-dessus, je vais appeler quelqu'un, demander un air de bœuf, de te faire tenir par trois ou quatre et te rouer de 1000 coups. M'entends-tu bien ? Fort bien, monsieur, le mieux du monde. Vous vous expliquez clairement. C'est ce qu'il y a de bon en vous que vous n'allez point chercher de détour. Vous dites les choses avec une netteté admirable. On me fait souper le plus tôt que l'on pourra. Monsieur, voilà votre marchand, monsieur Dimanche, qui demande à vous parler. Bon, voilà ce qu'il nous faut qu'un compliment de créancier. De quoi diable savait-il de nous venir demander de l'argent ? Et que lui disais-tu que monsieur n'y est pas ? Il y a trois quarts d'heure que je lui dis. Mais il ne veut pas le croire, restez assis là-dedans pour attendre. Eh bien, qu'il attend. Tant qu'il voudra. Non, au contraire, faites-le entrer. C'est une fort mauvaise politique que de se faire celer aux créanciers. Il est bon de les payer de quelque chose, et j'ai le secret de les renvoyer satisfaits sans leur donner un doux. Ah, monsieur Dimanche, approchez, je suis ravi de vous voir et que je veux de mal à mes gens de ne vous pas faire entrer d'abord. J'avais donné ordre qu'on ne me fît parler personne, mais cet ordre n'est pas pour vous. Et vous êtes en droit de ne trouver jamais de porte fermée chez moi. Monsieur, je vous suis fort obligé. Parbleu, coquin, je vous apprendrai à laisser monsieur Dimanche dans une antichambre. Et je vous ferai de l'aide de les gens. Monsieur, ce n'est ailleurs. Comment vous dire que je n'y suis pas à monsieur Dimanche, au meilleur de mes amis. Monsieur, je suis votre serviteur. J'étais venu... Alors, vite dans le siège pour M. Dimanche. Je suis bien comme ça. Point, point. Je veux que vous soyez assis contre moi. Ça n'est pas nécessaire. Ôtez ce pliant et apportez un fauteuil. Est-ce que vous vous moquez ? Non. Non, je sais ce que je vous dois. Je ne veux point qu'on mette de différence entre nous. Monsieur ! Allons, asseyez-vous. Il n'est pas besoin, parce que je n'ai qu'un mot à vous dire. J'étais... Mettez-vous là, vous dites. Non, monsieur, je suis bien. Je viens pour... Non ! Je ne vous écoute pas si vous n'êtes assis. Monsieur, je fais ce que vous voulez. Parbleu, monsieur Dimanche, vous vous portez bien. Oui, monsieur, pour vous rendre service. Vous avez un fond de santé admirable. Des lèvres fraîches. Un teint vermeil. Et des yeux vifs. Je voudrais comment bien... Comment se porte, madame Dimanche ? Je peux te... Fort bien, monsieur, Dieu merci. C'est une fort brave femme. Elle est votre servante, monsieur. Je venais... Et votre petite fille, Claudine, comment se porte-t-elle ? Le mieux du monde. La jolie petite fille que c'est, je l'aime de tout mon cœur. C'est trop d'honneur que vous lui faites, monsieur, je vous... Et le petit Colin, fait-il toujours bien du bruit avec son tambour ? Toujours de même, monsieur, je... Et votre petit chien Brusquet, gronde-t-il toujours aussi fort ? Et mord-t-il toujours bien aux jambes ? Les gens qui vont chez vous? Plus que jamais, monsieur, et nous ne saurions en cheville. Ne vous étonnez pas si je m'informe des nouvelles de toute la famille, car j'y prends beaucoup d'intérêt. Nous sommes, monsieur, infiniment obligés. Je... Touchez-la, monsieur Dimanche. Êtes-vous bien de mes amis? Je suis votre serviteur. Parle, je suis à vous de tout mon cœur. Vous m'honorez trop. Il n'y a rien que je ne fisse pour votre service. Monsieur, vous avez trop de bonté pour moi. Et cela sans intérêt, je vous prie de le croire. Je n'ai point mérité cette grâce, assurément. Mais monsieur... Donc ça, monsieur Dimanche, sans façon. Voulez-vous souper avec moi? Non, monsieur, il faut que je m'en retourne tout à l'heure. Allons vite, un flambeau pour conduire monsieur Dimanche et que 4 ou 7 de mes gens prennent des mousquetons pour escorter. Monsieur, il n'est pas nécessaire, je m'en irai bien tout seul. Non, je veux qu'on vous escorte. Je m'intéresse trop à votre personne. Je suis votre serviteur. Et de plus... Votre débiteur? Ah, monsieur! C'est une chose que je ne cache pas et je le dis à tout le monde. Si, voulez-vous que je vous rencontre? Ah, monsieur! Vous vous moquez! Monsieur! Embrassez-moi donc, s'il vous plaît. Je vous prie encore une fois d'être persuadé que je suis tout à vous et qu'il n'y a rien au monde que je ne fisse pour votre service. Il faut avouer que vous avez en monsieur un homme qui vous aime bien. Il est vrai, il me fait tant de civilité, tant de compliments. Je ne saurais jamais lui demander de l'argent. Je vous assure que toute sa maison périrait pour vous. Et je voudrais qu'il vous arrivât quelque chose. Que quelqu'un s'avisât de vous donner des coups de bâton. Vous verriez de quelle manière. Je le crois, mais... Sganarelle, je vous prie de lui dire un petit mot de mon argent. Oh, ne vous mettez pas en peine. Il vous paiera le mieux du monde. Mais vous, Sganarelle, vous me devez quelque chose en votre particulier. Ne parlez pas de cela. Comment? Je... Mais ne sais-je pas bien que je vous dois? Oui. Allons, monsieur Dimanche, je vais vous éclairer. Mais mon argent... Vous moquez-vous? Je... Hé hey! J'entends... Bagatelle. Mais... Si... Je... Et si vous dis-je... Monsieur, voilà monsieur votre père. Ah, me voici bien. Il me fallait cette visite pour me faire enrager. Je vois bien que je vous embarrasse et que vous vous passeriez fort aisément de ma venue. À dire vrai, nous nous incommodons étrangement l'un et l'autre. Et si vous êtes là de me voir, je suis bien là aussi de vos déportements. Souhaiter un fils avec des ardeurs non pareilles. Je l'ai demandé sans relâche, avec des transports incroyables. Et ce fils que j'obtiens en fatiguant le ciel de vœux et le chagrin et le supplice de cette vie même dont je croyais qu'il devait être la joie et la consolation. De quel œil, à votre avis, pensez-vous que je puisse voir cette amalade chose indigne dont on appelle aux yeux du monde la poussière au mauvais visage? Cette suite continuelle de méchantes affaires qui nous réduisent à toutes heures à lasser les bontés du souverain

qui faisait des vœux contre vous, et dont l'amirité ne jetait que menaces et ne respirait que vengeance. Le ciel a banni de mon âme toutes ces indignes ardeurs que je sentais pour vous, tous ces transports tumultueux d'un attachement criminel, tous ces honteux emportements d'un amour terrestre et grossier. Et il n'a laissé dans mon cœur pour vous qu'une flamme épurée de tout le commerce des sens, une tendresse toute simple, un amour détaché de tout, qui n'agit point pour soi et ne se met en peine que de votre intérêt. Tu plaires, je pense. Pardonnez-moi. C'est ce parfait et pur amour qui me conduit ici pour votre bien, pour vous faire part d'un avis du ciel, et tâcher de vous retirer du précipice où vous courez. Oui, Don Juan, je sais tous les dérèglements de votre vie. Et ce même ciel qui m'a touché le cœur et fait jeter les yeux sur les égarements de ma conduite m'a inspiré de vous venir trouver et de vous dire de sa part que vos offenses ont épuisé sa miséricorde, que sa colère redoutable est prête de tomber sur vous, qu'il est en vous de l'éviter par un prompt repentir, et que peut-être vous n'avez pas encore un jour à vous pouvoir soustraire au plus grand de tous les malheurs. Pour moi, je ne tiens plus à vous par aucun attachement du monde. Je suis revenue, grâce au ciel, de toutes mes folles pensées. Ma retraite est résolue. Et je ne demande qu'assez de vie pour pouvoir expier la faute que j'ai faite et mériter, par une austère pénitence, le pardon de l'aveuglement où m'ont plongé les transports d'une passion condamnable. Mais dans cette retraite, j'aurais une douleur extrême qu'une personne que j'ai chérie tendrement devint un exemple funeste de la justice du ciel. Et ce me sera une joie incroyable si je puis vous porter à détourner de dessus votre tête l'épouvantable coup qui vous menace. De grâce, Don Juan, accordez-moi pour dernière faveur cette douce consolation. Ne me refusez point votre salut, que je vous demande avec larmes. Et si vous n'êtes point touché de votre intérêt, soyez-le au moins de mes prières, et m'épargnez le cruel déplaisir de vous voir condamné à des supplices éternels. Pauvre femme. Je vous ai aimé avec une tendresse extrême. Rien au monde ne m'a été si cher que vous. J'ai oublié mon devoir pour vous. J'ai fait toutes choses pour vous. Et toute la récompense que je vous en demande, c'est de corriger votre vie et de prévenir votre perte. Sauvez-vous, je vous prie, ou pour l'amour de vous, ou pour l'amour de moi. Encore une fois, Don Juan, je vous le demande avec larmes. Et si ce n'est assez des larmes d'une personne que vous avez aimée, je vous en conjure, par tout ce qui est le plus capable de vous toucher. Cœur de tigre. Je m'en vais après ce discours. Et voilà tout ce que j'avais à vous dire. Madame, il est tard. Demeurez ici. On vous y logera le mieux que l'on pourra. Non, Don Juan, ne me retenez pas davantage. Madame, vous me ferez plaisir de demeurer, je vous assure. Non, vous dis-je. Ne perdons pas de temps en discours superflu. Laissez-moi vite aller. Ne faites aucune instance pour me conduire. Et songez seulement à profiter de mon avis. Sais-tu bien que j'ai senti quelque peu d'émotion pour elle ? Et que j'ai trouvé de l'agrément dans cette nouveauté bizarre. Et que son habit négligé, son air languissant, et ses larmes, ont réveillé en moi quelques petits restes d'un feu éteint. C'est-à-dire que ces paroles n'ont fait aucun effet sur vous ? Allons, vite, à souper ! Fort bien ! Général ! Il faut songer à s'amender, pourtant. Ah oui, là. Oui, ma foi, il faut s'amender. Encore 20 ou 30 ans de cette vie ici, et puis nous songerons à nous. Qu'en dis-tu ? Rien, voilà le souper. Il me semble que tu as la joue enflée. Qu'est-ce que c'est, parle donc? Qu'as-tu là? Non, rien. Montre un peu. Parbleu, c'est une fluxion qui lui est tombée sur la joue, puis une lancette pour percer cela. De provocation, on ne peut plus, et cet abcès le pourrait étouffer. Montre un peu. Voyez comme il est ému. Un coquin que vous êtes. Ma foi, monsieur, je voulais voir si votre cuisinier n'avait point mis trop de sel ou trop de poivre. Mets-toi là. Et mange. J'ai affaire de toi quand j'aurai soupé. Mais tu as faim, ce que je vois. Je le crois bien, monsieur. Je n'ai pas mangé depuis ce matin. Oh, oh, tâtez de cela, monsieur. Voilà qui est le meilleur du monde. Oh, oh. Mon assécondat, c'est tout doux, s'il vous plaît. Vertu bleu, petit compère, que vous êtes habile à donner des assiettes nettes. Et vous, que vous savez présenter à boire à propos. Qui peut frapper de cette sorte? Qui diable nous vient troubler dans notre repas? Je veux souper en repos, moi, que de la santé personne. Laissez-moi faire, je m'y en vais moi-même. Qu'est-ce donc, qu'y a-t-il? Le... qui est là? Allons voir. Et montrons que rien ne me saurait ébranler. Seigneur Sganarelle, où te cacheras-tu? Une chaise, un couvert! Vite donc! Allons, mets-toi à table. Monsieur, je n'ai plus de faim. Mets-toi là, te dis-je. À boire! À la santé du commandeur! Je te l'apporte, ce Sganarelle. Qu'on lui donne du vin. Monsieur, je n'ai pas soif. Bois! Et chante ta chanson pour régaler le commandeur. Je suis enrhumé, monsieur. Il n'importe. Allons! Accompagnez sa boire à vous autres! Ton chant, c'est assez. Je vous invite à venir demain souper avec moi. En aurez-vous le courage? Oui. J'irai. Accompagné du seul Sganarelle. Je vous rends grâce. Il est demain jeûne pour moi. Prends ce flambeau. On n'a pas besoin de lumière quand on est conduit par le ciel. Chapelle, Don Juan est en compagnie de son père Don Louis. Son attitude est humble. Sganarelle se tient un peu à l'écart. Quoi, mon fils ? Serait-il possible que la bonté du ciel eût exaucé mes vœux ? Ce que vous me dites est-il bien vrai? Ne m'abusez-vous point d'un faux espoir? Et puis-je prendre quelque assurance sur la nouveauté surprenante d'une telle conversion? Oui. Vous me voyez revenu de toutes mes erreurs. Je ne suis plus le même hier au soir. Et le ciel, tout à coup, a fait en moi un changement qui va surprendre tout le monde. Il a touché mon âme et dessillé mes yeux. Je regarde avec horreur le long aveuglement où j'ai été et les désordres criminels de la vie que j'ai menée.

me ferai le vengeur des intérêts du ciel. Et sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis, les accuserai d'impiété, et serai déchaîné contre eux des zélés indiscrets qui, sans connaissance de cause, crieront au public contre eux, les accableront d'injures, et les damneront hautement de leur autorité privée. C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes, et qu'un sage esprit s'accommode aux vices de son siècle. Oh ciel, qu'entends-je ici? Il ne vous manquait plus que d'être hypocrite pour vous achever de tout point. Et voilà le comble des abominations, monsieur! Cette dernière scie m'emporte et je ne puis m'empêcher de parler. Alors, faites-moi tout ce qui vous plaira, battez-moi, assommez-moi de coups, tuez-moi si vous voulez. Il faut que je décharge mon cœur et qu'envers les fidèles, je vous dise ce que je dois. Sachez, monsieur, que tant va la cruche à l'eau qu'enfin elle se brise. Et comme dit fort bien cet auteur, que je ne connais point, l'homme est en ce monde ainsi que l'oiseau sur la branche. La branche est attachée à l'arbre. Qui s'attache à l'arbre suit de bons préceptes. Les bons préceptes valent mieux que les belles paroles. Les belles paroles se trouvent à la cour. À la cour sont les courtisans. Les courtisans suivent la mode. La mode. La mode vient de la fantaisie. La fantaisie est une faculté de l'âme. L'âme est ce qui nous donne la vie. La vie finit par la mort. Par la mort. La mort nous fait penser au ciel. Le ciel est au-dessus de la terre. La terre n'est point la mer. La mer est sujette aux orages. Les orages tourmentent les vaisseaux. Les vaisseaux ont besoin d'un bon pilote. Un bon pilote a de la prudence. La prudence n'est point dans les jeunes gens. Les jeunes gens doivent obéissance. Okay. Les vieux aiment les richesses. Les richesses font les riches. Les riches ne sont pas pauvres. Les pauvres ont de la nécessité. Nécessité n'a point de loi. Qui n'a point de loi vit en bête brute. Et par conséquent, vous serez damnés à tous les diables. Après cela... Vous ne vous rendez. Tant pis pour vous. Dans le parc, non loin du tombeau du commandeur, paraît Don Carlos, le frère d'Elvis. Je vous trouve à propos. Et je suis bien aise de vous parler ici plutôt que chez vous, pour vous demander vos résolutions. Vous savez que ce soin me regarde et que je me suis, en votre présence, chargé de cette affaire. Pour moi, je ne le cède point, je souhaite fort que les choses aillent dans la douceur. Il n'y a rien que je ne fasse pour porter votre esprit à vouloir prendre cette voie et pour vous voir publiquement confirmer à ma sœur le nom de votre femme. Hélas, je voudrais de tout mon cœur vous donner la satisfaction que vous souhaitez. Mais le ciel s'y oppose directement. Il a inspiré à mon âme le dessein de changer de vie. Et je n'ai point d'autre pensée maintenant que de quitter entièrement tous les attachements du monde, de me dépouiller ou plutôt de toutes sortes de vanités, et de corriger par une austère conduite tous les dérèglements criminels où m'a porté le feu d'une aveugle jeunesse. Ce dessein d'Don Juan ne choque point ce que je dis, et la compagnie d'une femme légitime peut bien s'accoutumer avec les louables pensées que le ciel vous inspire. Hélas, point du tout. C'est un dessein que votre sœur elle-même a pris. Elle a résolu sa retraite. Et nous avons été touchés tous deux en même temps. Sa retraite ne peut nous satisfaire. Vous vont être imputés au mépris que vous feriez d'elle et de notre famille. Et notre honneur demande qu'elle vive avec vous. Je vous assure que cela ne se peut. J'en avais pour moi toutes les envies du monde. Et me suis même encore aujourd'hui conseillé au ciel pour cela. Mais lorsque je l'ai consulté, j'ai entendu une voix qui m'a dit que je ne devais point songer à votre sœur. Et qu'avec elle, assurément, je ne ferais point mon salut. Croyez-vous dangereux vous éblouir par ces belles excuses? J'obéis à la voix du ciel. Quoi? Vous voulez que je me peine un semblable discours? C'est le ciel qui le veut ainsi. Vous aurez fait sortir ma sœur d'un couvent pour la laisser ensuite. Le ciel m'ordonne de la sœur. Nous souffrirons cette tâche en notre famille. Prenez-vous-en au ciel. Gloire toujours au ciel. Le ciel le souhaite comme cela. Il suffit, Don Juan. Je vous entends. Ce n'est pas ici que je veux vous prendre. Et le lieu ne le souffre pas. Mais avant qu'il soit peu, je saurai vous trouver. Vous ferez ce que vous voudrez. Vous savez que je ne manque point de cœur et que je sais me servir de mon épée quand il le faut. Je m'en vais passer tout à l'heure par cette petite ruelle écartée qui mène au grand couvent. Mais je vous déclare pour moi que ce n'est point moi qui veux me battre. Le ciel m'en défend la pensée. Et si vous m'attaquez, nous verrons ce qui en arrivera. Nous verrons de vrai. Nous verrons. Monsieur, quel diable de style prenez-vous là? J'espérais toujours de votre salut, mais c'est maintenant que j'en désespère. Et je crois que le ciel qui vous a souffert jusqu'ici ne pourra souffrir du tout cette dernière horreur. Ah, va, le ciel n'est pas si exact que tu penses. Et si toutes les fois que les hommes... Monsieur! C'est le ciel qui vous parle et c'est un avis qu'il vous donne. Si le ciel me donne un avis, il faut qu'il parle un peu plus clairement s'il veut que je l'entende. Don Juan n'a plus qu'un moment à pouvoir profiter de la miséricorde du ciel. Et s'il ne se repent ici, sa perte est résolue. Entendez-vous, monsieur? Il faut tenir ses paroles. Je crois connaître cette voix. Monsieur, c'est un spectre, je le reconnais au marché. Homme fantôme ou spectre? Je veux savoir ce que c'est. Ah! Oh ciel, voyez-vous, monsieur, ce changement de figure? Non, non! Rien n'est capable de m'imprimer de la terreur. Et je veux éprouver avec ce fait si c'est un corps ou un esprit. Monsieur, rendez-vous à temps de preuves et jetez-vous vite dans le repentir. Non, il ne sera pas dit, quoi qu'il arrive, que je sois capable de me repentir. Alors, suis-moi. Arrêtez, Don Juan. Vous m'avez hier donné parole de venir manger avec moi. Oui? Où faut-il aller? Donnez-moi la main. Voilà! Don Juan, l'endurcissement au péché traîne la mort funeste. Et les grâces du ciel que l'on envoie ouvrent un chemin à sa foudre. Oh, ciel, je songe! Un feu invisible me brûle! Je n'en puis plus! Et tout mon corps devient un brasier ardent! Sa mort, un chacun satisfait. Ciel offensé, loi violée, fille séduite, famille déshonorée, parents outragés, femme mise à mal, mari poussé à bout. Tout le monde est content. Il n'y a que moi seul de malheureux! Mais gaz! Veuillez écouter maintenant le débat de la Tribune libre de Théâtre et Université qui réunit autour de Philippe de Chartres, Georges Lherminier, inspecteur général des Arts et Lettres, Marcel Giraudet, Michel de Quiche, professeur de lettres supérieures au lycée Louis-le-Grand, et Roger Paul Droit, Philippe Nemo, ses élèves. Georges Lherminier. Eh bien, nous sommes quelques-uns à avoir dans la mémoire le Don Juan de Jouvet, le Don Juan de Villars. La question que je me pose, c'est dans quelques années, quand nous interrogerons nos souvenirs, qu'aura été le Don Juan de Bourseiller ? Quelle est et quelle sera pour nous l'image de ce Don Juan accordée, je pense très précisément, à ce moment du siècle, à travers la sensibilité et la technique, l'esthétique théâtrale de Bourseiller ? Et j'aimerais que nos jeunes amis nous disent comment ils ont perçu Don Juan à travers ce que leur proposait non seulement les interprètes, mais d'abord le metteur en scène. Philippe Nemo. On peut effectivement se poser la question de savoir si plus tard, Don Juan apparaîtra comme un produit uniquement de 1967, ou comme au contraire, suivant ce que Bourseiller a voulu faire, comme quelque chose d'atemporel, enfin quelque chose qui passerait par-dessus les siècles qui nous séparent de Molière, et qui même pourrait subsister encore pour les siècles à venir. Roger Paul Droit. L'impression d'atemporalité tient au fait de la mise en scène même, c'est-à-dire des décors et des costumes qui nous détachent du temps de Molière, mais en même temps nous projettent à la fois dans notre temps et après, puisque en réalité les costumes et les décors apparaissent comme assez futuristes et donnent une impression d'atemporalité, c'est-à-dire que bien que ce soit un futur, c'est en même temps absolument hors du temps. Et Bourseiller, à mon avis, nous renvoie quand même d'une certaine façon au texte seul, en ce sens que les décors et les costumes sont finalement très froids et en quelque sorte inhumains. On a un petit peu l'impression qu'il ne reste dans le décor, par rapport aux objets absolument métalliques et froids, il ne reste que des hommes, et des hommes avec un texte bien précis, mis en valeur, bien qu'ils paraissent quelquefois gâchés par rapport à une interprétation de façon XVIIe siècle. Par conséquent, d'après vous, Bourseiller aurait mis en valeur le texte de Molière. Le texte seul, le débarrassant ou en ne s'attachant pas à toute une tradition, aussi bien donnée par Molière lui-même, que par toutes les interprétations qui ont pu avoir lieu depuis lors, c'est-à-dire le texte absolument seul en dehors d'une tradition scénique. Par conséquent, Bourseiller aurait rendu ce texte plus accessible aux hommes de notre génération. Dans un certain sens, oui. Philippe Nemo. S'il a voulu le rendre atemporel, c'est précisément à cause du caractère très particulier du personnage même de Don Juan, sa signification philosophique, qui semble effectivement être tout à fait supérieure à une simple étude de caractère, et à plus forte raison à une simple étude de mœurs directement inscrite dans un siècle, mais qu'au contraire, il aurait voulu montrer un Don Juan, personnage éternel, type philosophique. Michel de Quiche. Je me demande dans quelle mesure les costumes très modernes ne risquent pas de dater la représentation, et justement de l'enfoncer dans le temps, au lieu de la soustraire au temps. J'avoue que j'ai rêvé plus d'une fois à la possibilité d'un Don Juan où il y aurait des costumes modernes mais qui passeraient complètement inaperçus, où il y aurait des décors qui passeraient inaperçus et où le texte seul serait en scène, en en supprimant évidemment les jeux de scène classiques, les jeux de scène traditionnels. C'est bien là le débat. Est-ce le Don Juan de Bourseiller ou est-ce le Don Juan de Molière décapé de toutes ses perruques, de tous ses rubans, pour rendre la finalité voulue par Molière, la finalité de son personnage et de son message philosophique. Marcel Giraudet. Il y a un autre problème. Il me semble que le texte seul, ben, ma foi, c'est à la lecture que nous le voyons, si nous avons plus ou moins d'imagination, à la radio, si nous voulons. Mais une pièce représentée, représentée avec le talent, avec la volonté que Bourseiller a mise à troubler un peu la sensibilité du spectateur, ça me semble extrêmement important. Il est certain que ces décors sont des décors qui inspirent l'esprit de désert ou de vastitude au moins, et où les personnages, déjà isolés dans le texte, de Don Juan et Scannarelle en particulier, sont encore plus isolés. Ce qu'ils disent prend une valeur extraordinaire. Or, il est évident aussi que ce que disait Don Juan en 1665, n'avait, ni pour le roi, ni pour la cour, ni pour les bourgeois, ni pour Molière, le sens que nous mettons, nous, à ce que dit Don Juan et Sganarelle. Et j'insisterai surtout sur Sganarelle, parce que Don Juan est resté enveloppé dans une sorte d'héroïsme qui l'a suivi au XVIIIe, au XIXe siècle, et depuis, c'est un grand personnage, son mystère nous inquiète un peu, et surtout, nous n'arrivons pas à trouver beaucoup de solutions à ce qu'il profère. Mais Sganarelle, avec Bourseiller, prend une toute autre allure. Le couple Don Juan-Sganarelle est présenté par Bourseiller comme un couple essentiel de cette tragicomédie. Alors qu'auparavant, il y avait Don Juan et il y avait Sganarelle, et le Sganarelle bouffon qui accompagnait Don Juan n'avait pas de résonance profonde comme à cette représentation. Je crois que c'est ça le problème des personnages. Et je crois que c'est ça aussi le problème du texte. Parce que le texte que dit Sganarelle, on s'en moquait, il était bouffon. Le texte que dit Sganarelle maintenant, même le texte du tabac, même les textes des proverbes, deviennent quelque chose qui garde un semblant de rationalisme. Michel de Quiche. Je me demande si Molière ne nous a pas tendu un piège avec Sganarelle. En réalité, Molière a créé deux Sganarelles. Il y a d'une part un personnage comique qui est chargé d'un certain nombre de bouffonneries, qui est chargé d'accomplir un certain nombre de jeux de scène destinés à faire rire. Et il y a aussi d'autre part un Sganarelle qui est un instrument et un instrument de combat. Ce Sganarelle instrument de combat, c'est celui qui ridiculise les réponses que l'on peut apporter à l'athée. Et c'est là justement qu'il y a dans la pièce de Molière une véritable ambiguïté, et cette ambiguïté repose sur le personnage de Sganarelle, peut-être plus encore que sur celui de Don Juan. Et je crois que Bourseiller a cherché à donner une certaine orientation au personnage de Sganarelle qui est intéressante, mais je me demande s'il ne lui donne pas presque trop de sérieux, s'il ne veut pas en faire une sorte d'homme moyen, et s'il ne rejoint pas par là une erreur qui avait existé dans la critique au temps jadis, où l'on voyait en Sganarelle un personnage de bon sens, un personnage qui, évidemment, n'était pas cultivé, mais qui réagissait avec sa spontanéité bonhomme. Et j'ai eu parfois l'impression, devant le Sganarelle, tel que nous le présentait Bourseiller, de voir renaître ce personnage, qui me paraît faux, d'ailleurs, n'est-ce pas ? Peut-être y a-t-il une hésitation, d'ailleurs, dans l'interprétation, dans la mise en scène. Marcel Chirosine. Oui, mais je crois que Sganarelle représente quand même, puisque nous admettons maintenant que ses paroles ne sont pas si bouffonnes, représente une position d'un rationalisme béat, un peu inférieur, mais d'un rationalisme qui a sa valeur dans la société. Et c'est avec ce rationalisme, avec ces formules un peu médiocres d'ailleurs, ou pas très élevées, que Don Juan trouve réponse à une certaine de ses positions. Or, il est le tout-puissant, Don Juan. C'est un athée, d'abord, il faut bien le dire, il est athée. Il est athée, au moins dans la société du XVIIe siècle, et l'athéisme au XXe siècle n'a plus du tout la même figure. Il est athée, et devant lui, il a un Sganarelle qui n'est pas tellement plus croyant que lui. Oui, mais je crois que le Don Juan et le Sganarelle de Molière avançaient masqués. Et ils sortaient de leur temps, et peut-être ils avaient les tabou de leur temps à contourner. Or, le mérite de Bourseiller, c'est d'avoir, en tous les cas, créé une unité tragique, et c'est peut-être dans ce cadre de l'unité tragique que Don Juan et Sganarelle trouvent vraiment l'équilibre de leur couple. Car il faut bien voir que le décor, les costumes, l'intention créent pour Don Juan un univers qui isole les protagonistes du siècle de Louis XIV. On est dès le départ au royaume des morts. On est déjà dans les enfers, non seulement parce que les décors ont les couleurs des flammes de l'enfer, mais tous ces personnages qui passent sur la scène nous donnent l'impression d'hommes qui ont quitté la vie et qui se promènent au royaume des morts. La seconde intention, c'est aussi bien le décor est-il l'enfer que le ciel, dès le départ, est toujours présent et se manifeste à chaque moment et à chaque intention des personnages. Chaque fois que le blasphème apparaît sur les lèvres de Don Juan ou de Sganarelle, il y a le tonnerre qui annonce que le ciel suit l'aventure. Et puis, l'unité vient aussi de ce que ces deux personnages sont en réalité des hommes de violence. Chacun d'ailleurs à leur manière. Il y a un gang de Don Juan et on le sent très bien dans la scène de Monsieur Dimanche qui prend un relief tout à fait nouveau. On est dans la caverne de Don Juan. On est entouré de tous ces valets d'épée qui vont à chaque moment intervenir ou par leur rire ou par leurs actes. Et il est certain que Monsieur Dimanche n'est pas la rondeur familière que l'on est habitué de voir dans les différentes mises en scène traditionnelles. C'est un monsieur qui vient revendiquer les honoraires auxquels il a droit et qui s'en va simplement parce que les petits gangsters qui sont les hommes de main de Don Juan et qui sont sous les ordres de Sganarelle qui est le contre-maître gangster, le mettent dehors et la scène est dangereuse. Enfin, alors, dans tout cela, bien sûr, l'aspect bouffon, l'aspect comique de Sganarelle est gommé, il disparaît. Il a bien fallu que l'acteur se conforme à ce nouveau climat et à ce nouveau dialogue avec un nouveau Don Juan. Le seul problème, et c'est bien cela que nous allons nous poser comme question, c'est est-ce que la finalité du Don Juan de Molière est respectée ? Or, la différence qu'il peut y avoir entre la mise en scène traditionnelle et celle de Bourseiller, c'est que la pièce ne chavire pas sur sa charnière. Dans la mise en scène de Bourseiller, on a l'impression que Don Juan est condamné dès le départ, parce que dès le départ, le ciel s'occupe de lui. Alors que, dans le texte de Molière, il semble que le ciel commence à s'occuper de lui à partir du moment où il décide de faire l'hypocrite. Donc de ne plus jouer son obsession, mais de jouer socialement de son obsession. Philippe Nemo. Don Juan est, si vous voulez, extérieur à tout ce qui pourrait lui arriver. Il traverse l'événement, en quelque sorte. Mmh. Mais, et c'est ici qu'on pourrait faire apparaître une autre fonction du personnage de Sganarelle, qui n'est d'ailleurs pas en contradiction avec ce qu'avait dit M. de Quiche, c'est que Sganarelle est ce qui rattache Don Juan à une certaine forme de chaleur humaine, à une certaine forme de rondeur, et même une certaine forme de comique. Il n'y a qu'à voir que le fameux sourire ironique, qui est d'ailleurs, à mon avis, magnifiquement rendu par des crières, s'interrompt justement quand Don Juan parle à Sganarelle. Il lui parle souvent avec une certaine affection. Donc Sganarelle est, si vous voulez, le pont qui unit ce Don Juan tout à fait atemporel, ce Don Juan qui est simplement le symbole de la violence et de la révolte, qui l'unit à tout ce qui se passe autour de lui. Je voudrais avoir l'avis du critique dramatique, Georges Darminier. J'écoute avec beaucoup d'attention cette analyse du couple Don Juan-Sganarelle. Ce couple sur lequel, d'ailleurs, nous le savons, Bourseiller a précisément mis l'accent. C'est pas toute sa mise en scène, mais je crois que c'est l'élément dominant de sa mise en scène et de l'originalité de sa mise en scène. Il y a une unité dialectique de ce couple, c'est vrai. Non seulement parce qu'ils sont sur le plan d'idéologie, si l'on veut, la thèse et l'antithèse, mais il y a surtout une unité dialectique humaine. Il y a une complicité, une connivence. Et on peut dire que dans le costume même, dans la mesure où Bourseiller a voulu qu'ils se ressemblent en quelque sorte, qu'ils se regardent presque au miroir l'un l'autre, cette espèce de reflet déformé, certes, un peu à la Jean Genet, si j'ose dire, si j'ose risquer ce rapprochement. Mais il y a un peu dans ce rapprochement de Don Juan et de Sganarelle qu'a voulu Bourseiller, il y a un peu de cela. Ça n'est pas le faire valoir au sens du cirque ou de l'auguste de farce traditionnelle, Sganarelle. C'est une espèce de projection et de reflet de Don Juan lui-même et au niveau le plus humain la plupart du temps. Et ça, je crois que Charon et Descrières forment à cet égard un couple qui est parfaitement entré dans les intentions de Bourseiller et dans la mise en scène de Bourseiller. En tout cas, pour ma part, c'est ce qui m'a le plus intéressé et le plus touché. Car on parle beaucoup de froideur, d'intelligence, mais il y a tout de même des éléments très touchants, très directement orientés vers notre sensibilité dans cette mise en scène de Bourseiller, si intellectuelle qu'elle soit. Et alors, je voudrais dire autre chose à propos du texte dont on a beaucoup parlé tout à l'heure. J'ai tantôt le sentiment que Bourseiller s'est servi du texte de Molière comme d'une partition, en la ramenant en effet à l'essentiel, en la dépouillant de toute théâtralité et en nous proposant une interprétation de cette partition comme tel chef d'orchestre pourrait interpréter une grande partition de Mozart ou de Wagner. Et il y a, nous le savons, plusieurs interprétations possibles d'une partition. Et d'autre part, il me semble par instant qu'il a pris ce texte comme on prendrait un dialogue, mais quel dialogue ? Un dialogue de film, en marge d'un scénario, et qu'il a un peu découpé ce dialogue en fonction de séquences, en fonction d'un montage éventuel que le spectateur a à reconstituer, parce que le film n'est pas fait et il n'y a pas de caméra, il y a l'espace de la scène traditionnelle, mais par un certain art du déplacement, de la circulation des comédiens, par une certaine façon de leur faire échanger les répliques d'un bout à l'autre de la scène, dos tourné, dans des positions plus ou moins extraordinaires, mais qui en fait évoque des plans de cinéma, évoque des angles de prise de vue, j'ai l'impression qu'il s'est comporté à la fois comme un chef d'orchestre qui donnerait à cette partition une tonalité nouvelle et comme un metteur en scène de cinéma qui, à partir de ce dialogue, essaierait d'inventer les plans les plus propres à faire ressortir les faces de ce dialogue et sa signification profonde. Et ça, je crois que c'est le style de Bourseiller. Non seulement dans ce Don Juan, mais dans tout ce qu'il a fait jusqu'ici. Marcel Giraudet. On a parlé tout à l'heure violence et révolte. N'est-ce pas ? Ce sont des mots que vous avez employés, je crois. Violence, mais il est certain que dans ce cadre qui semble froid, qui semble acide, qui semble presque vide à un moment donné, dans ce cadre s'agit toute une société. Il y a un nombre considérable par rapport aux mises en scène précédentes, de gens de l'extérieur, les amoureux du premier acte, les valets de l'épée du quatrième acte, les gens qui passent dans les ombres, et la présence incoercible du ciel qui est là, toujours là. Donc, la pièce ne se résout pas simplement au couple Sganarelle-Don Juan. Il y a là une violence recuite, concentrée dans Don Juan, et une violence inutile. Une violence qui condamne Don Juan. Cette violence agit contre l'amour, elle agit contre la dignité humaine vis-à-vis du pauvre, elle agit contre la société et les lois de la noblesse vis-à-vis de son père. Je ne parle même pas du ciel. Et la révolte que pourrait avoir Sganarelle, ou la révolte même qui pourrait s'inscrire dans un Don Juan cher à nos âmes ou à nos esprits, ne se manifeste pas parce que cette révolte même en mots est inutile. C'est la condamnation par excellence de l'existence de Don Juan et de Sganarelle, ou de l'aventure Don Juan et Sganarelle. Et c'est là que peut-être la finalité de l'œuvre paraît plus douteuse, parce qu'il n'est pas sûr à ce moment-là qu'il n'y ait pas un divorce entre la pensée de Molière et ce qu'en fait Bourseiller, tenaillé peut-être par son idée première de mise en scène. Michel de Quiche. Je me demande si vraiment Don Juan est condamné par la mise en scène de Bourseiller. Dans quel sens ? Monsieur Marcel Giraudet le présente comme l'homme qui est hostile au monde qui l'entoure, ceci est incontestable. Mais cette hostilité n'est-elle pas justifiée ? Justifiée par ce monde qui l'entoure. Car plus que le ciel dans la mise en scène de Bourseiller, ce qui me frappe, c'est justement cette société dans laquelle il est plongé, et une société qui l'opprime par un certain nombre d'idées toutes faites, et contre lesquelles il se révolte. Mais il se révolte, et il pense que finalement, tous les coups sont permis contre cette société. Je ne crois pas que Bourseiller fasse de Don Juan un héros négatif. Je crois que Bourseiller veut faire de Don Juan, disons, un héros positif, pour faire allusion à un titre connu. C'est une invitation à protester contre notre société. Non, il est certain que dans la mise en scène traditionnelle comme celle de Bourseiller, tous les coups sont permis, sauf l'hypocrisie. Il rejoint à ce point de vue l'interprétation première qui était celle de Molière. Les deux mises en scène se rejoignent certainement sur ce point-là. Mais il y a dans le texte de Molière et dans l'interprétation traditionnelle de Don Juan une certaine ambiguïté qui nous rend au départ Don Juan familier et accessible. Et si vous voulez, on est complice de Don Juan. Sauf à partir du moment où on est obligé de le lâcher en tant qu'homme, exactement au même moment où le ciel le condamne. Dans la mise en scène de Bourseiller, on peut apprécier la révolte, on peut apprécier les coups qui sont portés à la société qui mérite ces coups. Il n'empêche que dès le départ, la violence, la méchanceté de Don Juan apparaissent peut-être comme les mobiles premiers de son action, et il est difficile de coller sentimentalement avec lui. On peut apprécier la rigueur de son attitude, on peut apprécier la valeur des coups qu'il porte, mais il est certain qu'il se détache de nous. Michel de Quiche. Au fond, je me demande si Molière, quand il a écrit Le Don Juan, c'est une hypothèse, bien entendu, que rien n'appuie, mais je me demande si, lorsque Molière a écrit son Don Juan, il n'a pas tout simplement évolué. C'est-à-dire que partant du fameux grand seigneur méchant homme, partant d'exemples qu'il avait sous les yeux, et nous pouvons mettre des noms, n'est-ce pas, des Roquelaure, Conti, etc., peu à peu, il a changé d'optique. Et finalement, il a fait dire à Don Juan ce qu'il pensait, si bien que son Don Juan est contradictoire. Il est d'une part quelqu'un qui, socialement, est condamnable parce qu'il abuse de sa noblesse, il abuse de sa force, il méprise les femmes, etc. Mais d'autre part, intellectuellement, il n'est pas condamnable. Et je me demande s'il y a vraiment un rationalisme chez Sganarelle. Si au fond, le vrai rationaliste n'est pas Don Juan, parce que quand Don Juan pose simplement 2 et 2 sont 4, le dernier mot du rationalisme est dit, du vrai rationalisme. Alors qu'au contraire, Sganarelle n'est pas rationaliste. Sganarelle est du côté, pas du moine bourru, Sganarelle est du côté de la superstition. Et c'est très loin du rationalisme. Oui, l'ambiguïté dernière est là. En effet, il y a un divorce entre l'adhésion intellectuelle et la réprobation d'une certaine attitude d'homme que l'on voudrait meilleure en fonction de l'audace de la pensée. Roger Paul-Droit ? Je pense qu'on pourrait dire que Don Juan se place dans ce que Maurice Blanchot a appelé la théologie. C'est-à-dire que finalement, pour lui, le problème de Dieu ne se pose pas. C'est-à-dire il ne s'agit pas de savoir si oui ou non, de poser le problème en termes d'une dialectique et en termes de raisonnement, et par un rationalisme d'arriver à la preuve du non, c'est-à-dire d'être un athée, parce que dans le mot athée, il y a encore théos, il y a encore Dieu, mais il s'agit d'une vie ou d'un être parfaitement athéologique, c'est-à-dire que Dieu n'existe pas, Dieu n'est même pas un néant, il y a absence totale de Dieu. Je crois que ça se manifeste dans les actes et dans la vie de Don Juan. Absolument pas, il le voudrait peut-être, mais à chaque moment, il est confronté avec le ciel. Oui, mais... même en dehors de la mise en scène du Bourseiller, où encore une fois, le ciel est constamment présent, chaque fois que Sganarelle lui prononce le mot de ciel, il y a une réaction exaspérée de Don Juan qui fait que, bien sûr, il compte avec le ciel. Et c'est là son courage dernier, c'est de l'affronter de la seule façon qu'il lui reste, n'est-ce pas ? C'est-à-dire d'aller volontairement vers l'enfer. Michel de Quiche. Ce qu'il y a d'assez curieux, c'est qu'au fond, la mise en scène de Bourseiller rejoint plutôt les pièces de Dorimont et de Villiers antérieures à Molière. C'est-à-dire des pièces où Dieu existe, où Don Juan se place par rapport à Dieu, il se révolte contre Dieu, mais il admet son existence. Alors que j'ai tout de même l'impression que Molière va plus loin. Molière ne peut pas faire autrement que d'admettre le cadre de la légende. Et dans le cadre de la légende, Dieu existe obligatoirement, la foudre existe, la condamnation par Dieu existe. Mais dans ce cadre, j'ai l'impression que Molière a fait dire tout ce qu'il pouvait, n'est-ce pas, à cette légende à l'encontre du ciel. En définitive, où se situe le grand jeu que mène Don Juan ? Eh bien, en vérité, je crois que le ressort psychologique fondamental de Don Juan, c'est la volonté de provocation. Donc, le ressort dramatique de la pièce, c'est la constante provocation de Don Juan. Il provoque les hommes, il provoque la société, mais en vérité, s'il provoque les hommes et s'il provoque la société, c'est pour provoquer Dieu jusqu'à l'affrontement suprême avec le ciel. Et c'est bien d'ailleurs la question que se pose Ganarel. Jusqu'où ce jeu va-t-il mener Don Juan? Et dialectiquement, dramatiquement, à la provocation de Don Juan correspond fidèlement la peur de Sganarelle. Et là, une remarque s'impose. Dans la mise en scène de Boursier, c'est cela qui est original, la peur de Sganarelle s'exprime d'une façon très réaliste, c'est-à-dire d'une façon beaucoup plus tragique que comique, alors que, dans les mises en scène traditionnelles, le jeu de Sganarelle s'exprimait par une série d'effets bouffons et qui faisait rire. Pour en revenir à Don Juan, ce qui me frappe, moi, c'est que sous le classicisme des attitudes et du langage, Don Juan apparaît déjà comme un héros romantique. En écoutant Don Juan, et surtout à la fin de la pièce, on ne peut s'empêcher de songer à Manfred. Manfred, qui, las d'affronter les hommes, disait, quand on le menaçait d'avoir à comparaître au jour de sa mort devant Dieu, répondait « Enfin, un adversaire à ma mesure. » Georges Lerminier. Nous nous posions en commençant la question de savoir, par rapport au Don Juan de Jouvet, par rapport au Don Juan de Villars, quel sera finalement le visage du Don Juan de Boursier. Le Don Juan de Jouvet, nous nous en souvenons, c'était un halluciné de son salut. Le Don Juan de Villars, c'était un homme lucide jusqu'au bout, méthodique, élégant, mais lucide. Il me semble finalement que dans le souvenir, l'image que je garde du Don Juan de Boursier, c'est l'image d'un halluciné. Le décor d'ailleurs y prête. Il est en effet dans un espèce d'univers absolument irréel. On a prononcé les mots de caverne, d'enfer. Il y a là un univers baroque, un univers d'opéra, une espèce de Marienbad extraordinaire, qui est un lieu, mais un lieu de théâtre. Ce personnage vit dans un univers qui n'est déjà plus de ce monde, et lui-même n'est plus de ce monde. Il n'est plus que le personnage de Don Juan, avec ses réflexes, avec ses mots, avec ses attitudes, sa façon de réagir, sa façon de penser. Il y a une espèce d'automatisme de Don Juan qui tient peut-être à la présence de la mort, à la menace d'une mort immédiate. Il vit ses derniers instants et au fond, il en a obscurément conscience. Chez Jouvet, il vivait aussi ses derniers instants, mais il y avait le problème de l'au-delà immédiat, du salut, du jugement qui peut-être allait lui être imposé. Là, il vit dans une attitude les derniers moments comme dans une hallucination, comme le condamné à mort qui monte en effet à l'échafaud et qui jouerait le rôle du condamné à mort. Et il me semble que c'est ce qui est très beau dans la mise en scène de Boursier. Et par conséquent, tous les problèmes de savoir si Don Juan est un révolté social, un révolté religieux, un révolté philosophique ne se posent plus. Il est même au-delà de la révolte, oui. Parce qu'il est la révolte même. L'Office de Radiodiffusion Télévision Française vous a présenté, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Théâtre et Université, une émission d'Éléonore Kramer. C'était aujourd'hui, dans un découpage radiophonique, Don Juan ou le Festin de Pierre, comédie de Molière jouée par les comédiens français dans la distribution suivante. Don Juan, Georges Descrières. Sganarelle, Jacques Charon. Elvire, femme de Don Juan, Ludmila Michael. Gusman, écuyer d'Elvire, Jean-Paul Zénaker, élève du conservatoire. Don Carlos, frère d'Elvire, Yvan Varco, élève du conservatoire. Don Louis, père de Don Juan, René Arieux. La statue du commandeur, Louis Aymon. Monsieur Dimanche, Michel Aumont. Un pauvre, Michel Bernardi. Mise en scène d'Antoine Boursier. La tribune libre de théâtre et université réunissait autour de Philippe de Chartres, Georges Lerminier, inspecteur général des arts et lettres, Marcel Giraudet, Michel de Quiche, professeur de lettres supérieures au lycée Louis-le-Grand, et Roger Paul Droit, Philippe Nemo, ses élèves. Réalisation, Éléonore Kramer.